Bonsoir, bienvenue à l'émission Les Échangeurs d'air. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix musical. Ce soir, je vous propose des musiques éclectiques, du doo-wop au rock en passant par le jazz et la musique expérimentale. Voici un petit aperçu des noms que vous pourrez entendre. Richie March and the Hoodwinks, Lewis Reed, Donald Woods and the Velairs, Baby Ray and the Ferns, The Jayhawks, Zilla Mays, The Three Sons, Soul Heirs, André Williams, The Fabulous Tempos et bien d'autres. Alors sans plus tarder, voici Richie March and the Hoodwinks. Is a story of a man who lives in Utopia. I remember it was one dark and dreary night. The sky was dark and not a trace of light. That shortcut through the graveyard didn't feel too good, but nothing was gonna happen, at least I didn't think it could. Then I heard a noise that sounded like great big feet. Then I thought about this monster that craved on human meat. Was it the creature from the Black Lagoon? No! Was it the creature called Frankenstein? No, no, no, was it the creature called Wolfman? No creature! Well, then it must have been that thing. froze dead in my tracks, paralyzed, and I couldn't even look back. I heard a moan and a deathly groan. I was scared stiff and all alone. I strained my eyes into empty space, but then all of a sudden we were face to face. Wrong record. Let me out of here. Boom, boom, boom, boom. Was it the creature from the Black Lagoon? Oh. Was it the creature called Frankenstein? No, no, no. Was it the creature called Wolfman? No, creature. Well, then it must have been that thing. He leaped at me, but before I could hit the ground, I was in my house on the other side of town. Now I'm in my easy chair, and without a doubt, he can't get in, and I know I'm not going out. As I close my story, here's a word for the wise. A shortcut through the graveyard is a bunch of jive. Are you the creature from the Black Lagoon? No. Are you the creature called Frankenstein? No creature. Are you the creature called Wolfman? No. Well, then you must be the thing. Vous êtes à l'antenne de CKRL, le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. On a entendu dans ce premier bloc le groupe de Jayhawks sur la compilation The Complete Insane Madness Invasion, une compilation parue en 1996. C'était The Creatures from Outer Space, une pièce de 1957. Ça a été précédé de Baby Ray and the Ferns sur la compilation Frank Zappa Rare Meat, une compilation parue en 1983. C'était The World's Greatest Sinner, une pièce de 1963. Juste avant, on a entendu Donald Woods and the Velaires sur la compilation Exotic Blues, volume 3. C'était Man from Utopia, de 1955. Ça a été précédé de Lewis Reed sur la compilation All Tomorrow's Dance Parties, une compilation parue en 2000. C'était la pièce Merry Go Round, une pièce de 1962. Vous aurez peut-être reconnu la voix d'un jeune Lou Reed. On a débuté le bloc avec Richie Marsh and the Hoodwinks sur Bad Part of Town and Live Album Bedtime, une compilation de l'artiste parue en 1992. On a écouté Half Angel, une pièce de 1964. Richie Marsh n'était nul autre que Richard Elvin Marsh, dit Sky Saxon, le chanteur et fondateur du groupe The Seeds. On poursuit avec Zilla Mays sur la compilation Jukebox Mambo Volume 2 et la pièce Calypso Blues. Sitting by the ocean, my heart you feel so sad. Sitting by the ocean, my heart you feel so sad. Don't got the money to take him back to Trinidad. Fine Calypso woman, she cook him shrimp and rice. Fine Calypso woman, she cook him shrimp and rice. These Yankee hot dogs don't treat my stomach very nice. Eating a dead $1 buy, papaya juice, banana pie, this coconut, one female goat, and plenty of fish to fill the boat. One bushel bread, one barrel wine, and all the town she comes to dine. But here is a bad $1 buy. Cup of coffee, ham on rye. His throat is sick from necktie. His feet she had from shoes. His pocket full of empty. He's got Calypso blues. These Yankee girls give him big scare. Is black the root and blonde the hair. And pads are where the girl she ain't. She did jitterbugs than she should was. I even think her name is Sports, but Calypso girl is good a lot. It's what you see, it's what you got. Sitting by the ocean, may heart you feel so bad. Sitting by the ocean, may heart you feel so bad. Thank you. sitting little bushy cat. Can I just love you? You wanna know why? C'est à l'antenne de CKRL le 89.1 à Québec et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. On a entendu dans ce dernier bloc André Williams sur la compilation Las Vegas Grind Volume 4, une compilation parue en 1992. On a écouté Sweet Little Pussycat, une pièce de 1966. Ça a été précédé du groupe Soul Hairs sur la compilation Los Alamos Grind, une compilation parue en 2016. C'était la pièce Hot Links. Juste avant, on a entendu The Three Sons sur la compilation Exotic Blues Volume 3. C'était la pièce Volcano, une pièce de 1958. Et on a débuté le bloc avec Zilla Maze sur la compilation Jukebox Mambo Volume 2, une compilation de 2014. C'était Calypso Blues, une pièce de 1965. On poursuit avec The Fabulous Tempos. On écoute Not Sunday. Thank you.

à l'antenne de CKRL le 89.1 à Québec et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. On a écouté dans ce dernier bloc Kenny Grahams and His Satellites sur l'album Moondog and Suncat Suite de 1956. C'était Tropical Sun. Ça a été précédé de Brother Ha sur l'album Move Ever Onward de 1975. C'était la pièce Transcendental March, Creation Song. Juste avant, on a entendu Kenyon Hopkins sur la bande originale du film The Hustler de 1961. C'était Minnesota Fats. Ça a été précédé du groupe estonien Collage sur l'album Collage de 1971. C'était un extrait de la pièce Ki Pada. On a débuté le bloc avec Moondog sur l'album Moondog 2 de 1971. C'était Nero's Expedition. On poursuit avec Michel Magne sur Tropical Fantasy de 1962. On écoute la pièce Tabou. êtes à l'antenne de CKRL le 89.1 à Québec et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. Nous venons d'écouter le groupe espagnol Finis Africae sur l'album Amazonia, paru en 1990. C'était Hassel el Oso Hormiguero. Ça a été précédé de John Hassel sur l'album Vernal Equinox, paru en 1977. C'était la pièce Viva Shona. On a débuté le bloc avec Michel Magne sur l'album Tropical Fantasy de 1962. C'était Tabou. On poursuit avec Susan Dehim et Richard Horowitz sur l'album Desert Equation Azax Atra, paru en 1986. On écoute Desert Equations for Brian Gissen. Oh! À l'antenne de CKRL le 89.1 à Québec, et c'est l'émission Les Échangeurs d'air. On a entendu dans ce dernier bloc Asmus Chechens sur Spat Europa de 1982. C'était la pièce Blockwurst à la maîtresse. Juste avant, on a entendu Konrad Schnitzler et Gregor Schnitzler sur l'album Korad & Son de 1981. C'était Contra 5. Ça a été précédé de Rinaldo and the Loaf sur l'album Gertie Erding de 2016. C'était A Convivial Hood. On a débuté le bloc avec Felix Kuben und das Mineral Orchester sur l'album Two, Music for Films and Theatre, un disque paru en 2016. C'était Minuet One. On poursuit avec The Android Sisters sur The Best of Android Sisters, paru en 2004. On écoute Electronic Sheep. Yeah, question is, do androids dream of electric sheep? Do androids dream of electric sheep? Electronic media creates reality. Electronic media creates your mind. Do androids dream of electronic sheep? This is Angel. This is Angel. We are the Android Sisters. Last night I watched the nightly news. Last night I watched the nightly news. Do you watch the nightly news? Do you watch it faithfully? Night after night after night. I watch it. I watch it. We watch the nightly news. But last night was different. Something happened. As I watched, I suddenly saw that my hands had become little hooves. My feet were little hooves. My nose was long. My nostrils were big. I had two furry ears. I was covered with wool. When I opened my mouth, out came ba ba, and the anchorman was saying blah blah, and I replied ba ba, and the anchor woman was saying blah blah, and I replied ba ba. Then I remembered, electronic media creates reality. Electronic media creates your mind. Do you watch the nightly news? Do you watch it faithfully? Night after night after. When they go blah, blah, blah, do you go bah, bah, bah? And you have the nerve to ask us, do androids dream of electronic sheep? And so we reply, yes, we dream of electronic sheep. We dream of you. Thank you. amour futur, amour maso, amour impur. Dans ses yeux bleus on regarde passé. Ses femelles ne sont que des billes d'acier. Son corps n'est qu'une mécanique. Son sang juste du fil électrique. Amour robot, amour futur, amour maso, amour impur. Pendant l'amour est très spasmodique. Amour futur, amour maso, amour abu. Un jour la machine s'est révoltée. Dans mon bruit béton, elle a tout brisé. Avec une nuage de colère subite. En un tapérage, je l'ai réduite. Amour robot, amour futur, amour maso, amour abu. Amour futur, amour maso, amour impur. Maintenant seul dans la brille atomique, j'inscris ma douleur sur mon magnétique. Mon corps a perdu toute sensation. Un nouveau robot en congestation. Amour robot, amour futur, amour maso, amour impur. Amour robot, amour futur, amour maso, amour impur. C'est déjà presque tout pour l'émission Les Échangeurs d'air de ce mercredi. Jean-Philippe Boisbriand au microphone et au choix musical. On a entendu dans ce dernier bloc Coma sur Clinique Organique Music Anatomique de 1979. C'était Femme Robot. Ça a été précédé extrait de la compilation Ongaku 80 Alternative Waves from Japan, une compilation parue en 2011. On a entendu le groupe Portrait Heads et la pièce Elaborate Dummy, une pièce de 1984. On a débuté le bloc avec The Android Sisters sur l'album The Best of Android Sisters de 2004. C'était Electronic Sheep. Je vous laisse avec une pièce du groupe The Residents sur Meet the Residents de 1974. On écoute Rest Area.